matinale de 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bonjour matinalien. Ouais, si, matinalien de 18h. Non, mais j'ai un petit flashback. Parce que, non, mais comme je fais aussi la matinale, la vraie matinale du lundi, je me suis dit, mais non, on dit pas de matinale. Mais si, on dit la matinale de 18h, ça va bien autour de la table? Ça va et toi? Oh, vous avez entendu cette voix? Suave. Ouais. C'est celle. Suave. Et non, ce n'est pas une stagiaire. C'est. Comment on pourra t'appeler? La reine. La reine. Par son prénom. La reine est là avec nous. Bonjour reine, tu vas bien? Oui, très bien. Bon, on va t'appeler comme ça maintenant. C'est la nouvelle recrue. Hein, voilà, c'est Jeanne. C'est Jeanne. C'est un transfert permanent. Elle est où, Jeanne? C'est ça, oui, à défaut d'avoir de stagiaire, on a Jeanne. Et voilà. C'est quand même mieux. Ça va, Jocelyn? Ça va, et toi, mon Tristan? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie cette semaine? Cette semaine? Ouais. Oh là, il s'est passé tellement de choses. Eh ben, merci, James, ça va? Salut, ça va, merci. Pareil, il s'est rien passé. Moi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Tristan? Moi, je voulais en parler avec. Non! Mais si, je te jure, je vais pour aller faire pipi juste à côté avant le début de l'émission. Dis-nous tout. Et là, j'ai tout le mécanisme de ma ceinture qui tombe dans la cuvette des WC. Mmh. Heureusement, c'était avant que. La crotte de ceinture. Ouais, la croûte de cuir. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, non, ça. C'est de la croûte de cuir, c'est la ceinture, ça. Ouais. Donc, si, auditeur, vous savez comment réparer une ceinture, n'hésitez pas à m'appeler pour. Vous aurez fait votre BA de la journée. On va parler de quoi aujourd'hui? Pas grand chose, hein. J'ai l'impression que c'est quand même se patiner. La thématique de cette matinale de 18h. Attends, je me mets les titres en plus parce que forcément, j'ai tellement de pages. Peut-être ouvertes. Que pendant ce temps-là, Jeanne peut se présenter un petit peu. Ah oui, Jeanne, présente-toi. Oui, bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 33 ans et je suis vierge ascendant poisson avec ma lune en scorpion. Et oui, ouais, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire quand même, c'est que tu es très calé en horoscope. Oui, oui. Donc je pense que c'est toi qui vas nous faire l'horoscope. C'est vrai. Ouais, moi je pense aussi. Parce que moi personnellement je ne l'ai pas préparé. Alors moi j'aime l'astrologie mais les horoscopes. Ouais bah tu vas débrouiller. Ok. Voilà. Maintenant on va faire astrologie alors. On va faire astrologie. Astrologie. Okay. On va faire astrologie. Mais avant. C'est l'horoscope des astrologies. Mais avant. Des astrogènes. Moi j'allais dire. Oh, oui. Le journal. Le journal. C'est le journal de 18h, il est présenté par, pas pour tout le monde, sauf John. Et les meilleurs, finalement. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales, avec James. Suite à son autre opération de rachat récent, Elon Musk annonce qu'il va effectuer une vague de licenciements également chez Fadjet. La nouvelle a été annoncée sur Twitter, Elon Musk va se séparer de la moitié de l'équipe qui travaille dans la radio nancéenne. Ce sont près de 4000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau suite à cette annonce. Rassurez-vous, l'équipe de la matinale de 18h semble être dans le petit papier d'Elon Musk. Oui, oui, c'est. Ah, on l'avait reçu, donc ça doit être pour ça. Voilà, il nous aime bien. Voilà, enfin, voilà, en tout cas, il m'aime bien. Ce qui n'est pas le cas de la voisinade qui devrait sauter. La voisinade, oui, oui. Ah, oh, dommage. C'est fini. Ah, c'est ballot. C'est quand même dommage. La fête de la soupe, victime d'une attaque éco-terroriste. C'est à Nantes que l'attaque a eu lieu. Un collectif d'extrémistes écolos sont venus jeter des tableaux de Van Gogh sur les marmites de soupe des exposants. La note s'élève à près de 4000 euros de frais de pressing pour les exposants. Les suspects ont été interpellé et placé en détention. Mais pourquoi s'attaquer à de la soupe? Bah, je pense que c'est le mode des terroristes. Hein, est-ce que vraiment s'attaquer à une soupe va changer le climat? C'est un truc aussi dégueu qu'un tableau de Van Gogh. Quoi. On est d'accord. Ouais. C'est le début de la course à l'hymne de l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. De nombreux noms sont déjà positionnés avec notamment Booba et un nouveau titre intitulé « Ah bah ouais, on va gagner ». On écoute un extrait. Ah bah ouais, on va gagner. Voilà. Un extrait. Également, plus étonnant, Scarla Bruni qui va sortir un... Scarla Bruni qui va sortir un titre qui s'intitule « Quelqu'un m'a dit qu'on gagnait encore, nous l'écoutons ». On n'a pas gagné. Voilà. Merci, merci. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Les titres locaux avec le maire de Le Ménil-Mitry qui décide que seules les voitures électriques fabriquées dans son village pourront rouler dans le village pour préserver la production locale. C'est ce que l'Hebdo-Lorraine a révélé cette semaine. En effet, c'est après avoir acheté des parts dans l'entreprise automobile de Le Mesnil que cette nouvelle loi a vu le jour au sein du village. Une enquête est en cours, le maire plaide à la coïncidence. COP 27 en Égypte, réaction en Lorraine après la décision mondiale de ne plus fumer le fuseau pour préserver la planète. La Lorraine gronde dès qu'on veut toucher à ses spécialités et c'est encore une fois les Lorrains qui doivent en subir les frais. C'est ce que clame l'association des charcutiers lorrains. Un boycott de la COP 28 est discuté. Jean-Louis Bigot exclut 15 jours du bar de Gerbécourt à Pleumont après avoir dit à des touristes de Metz qu'il retourne en Moselle. Jean-Louis Bigot est une figure forte dans le village lorrain qui est Gerbécourt à Pleumont. La grande gueule de Bigot, de son surnom, a encore fait parler de lui et pour montrer l'exemple et surtout éviter une mauvaise note Google, Baptiste a dû exclure son plus fidèle client de son échoppe. Les touristes messins sont apparemment rentrés à Metz en précisant que le dépaysement commence là-bas. Fais attention parce que ce n'est pas Bigot. C'est Bigot. C'est Bigot. Pardon. Ouais, on ouvre le E. Bigot. Jean-Louis Bigot. Jean-Louis Bigot. Le grand gars Bigot. Voilà. Merci. Pardon. On passe tout de suite à la météo. C'est la fin de ce Flash Info. On se retrouvera pour le prochain Flash Info vers 18h30. Ah oui. Heure précise. La météo. Au début, je n'en avais cure. J'avais confiance en la nature. J'étais tranquille au salon de coiffure à demander la même coupe que Balladur. Puis, en sortant, je sentis la mouillure. Le froid sur mon visage faisait des griffures. Les odeurs étaient si impures. Mélange de feuilles mortes et d'hydrocarbures, de chiens mouillés, de vis et d'ordures. Je compris vite quelle serait ma torture. J'avalais ma fiole de cyanure. Il fallait faire face, même si c'était dur. De glagla est fait le futur. Plus jamais les hautes températures. Adieu soleil ou à la revoyure. Bonjour au froid, cette pourriture. Sachez maintenant, pour conclure, qu'il y aura une baisse du mercure. Et chaque 15 jours, tu pètes les scores. Et je tellement suis beau. Sans voix à chaque fois. C'est fou. C'est-à-dire hein. À chaque fois, je tape rime en ur, tu vois, et je fais tous les mots et j'envoie. Voilà. Et j'envoie. Et tout en évitant toutes les insultes. C'est ça qui, parce qu'il y en a plein des insultes qui se terminent en ur. Bah, il a dit baladure déjà. Bah, j'ai dit ordure quand même. Ordure. Ouais. Ouais, œuf cuit dur. Cuit dur, œuf cuit dur, c'est compliqué. Tu l'as évité l'œuf cuit dur. J'ai évité l'œuf cuit dur, c'est vrai. Mais cela dit, moi je ne dis jamais œuf cuit dur. Je comprends pas les gens qui disent œuf cuit dur et qui disent œuf dur. Bah, c'est une insulte très forte quand même, œuf cuit dur. Œuf cuit dur, tu précises qu'il est cuit et en plus de manière dure. Non, mais œuf dur, enfin, je veux dire de base. Un œuf, c'est dur de base. Ça dépend s'il est gelé, il est dur, mais il est pas cuit. Eh oui, bah c'est pas moi qu'il faut convaincre. Mais ouais, tu le fais dur avant de le faire engeler. Mais la je propose de continuer dur. Pendant Nickelback. Hein. How You Reminded Me. Et derrière, c'est l'éphéméride puisque nous sommes un 10 novembre. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé un 10 novembre L'œuf mollet, c'est pas du tout. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Bye. made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Nickelback, how you reminded me. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Il est vachement bien celui-là. Allez, remets-le, tu peux le remettre. Ouais. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Mais je crois qu'il y a 15 jours, on avait déjà fait la même chose. Mais oui, en fait, on s'étonne à chaque semaine. Mais on l'a mis trois fois. Là, ça se voit, vous n'écoutez pas l'émission en replay. On se croirait à Esslingen à Mnekar pendant un match de handball, tu sais, à la mi-temps. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bon, ça fait un peu Fête foraine quand même. À la buvette. Ouais, ça fait un peu... Ouais, buvette, ouais, Fête foraine. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. T'as reconnu la voix, Jeanne ? Chasse et pêche. Ouais, la voix, c'est qui ? C'est Camille. Camille, j'allais te dire. Camille Combal. C'est Camille. L'éphéméride. Elle a fait tous nos répondeurs téléphoniques, donc si tu veux, pour faire le tien aussi. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. L'éphéméride, nous sommes un 10 novembre. Que s'est-il passé un 10 novembre ? Alors déjà, on est le 314e jour de l'année. Mais non ! Et oui, et il reste 51 jours avant 2023. Oh là là ! 51 jours. Ça alors. Et c'est la Saint-quoi ? C'est la Saint-quoi ? C'est la Saint-Patrick. Camille. C'est la Saint-Camille. Philippe. Jean-Louis. Léon et la Saint-Noé. Saint-Léon, Saint-Noé. Qui connaît un Léon qui moi, vivant, le film. Qui est vivant. Ah non. Ah, moi, je connais. Ah ouais. Un Léon breton. Un Léon breton. Ouais. C'est rigolo. Mais c'est revenu à la mode, Léon. Mais oui. Oui, mais alors, chez les petits. Oui, mais chez les petits. Moi, je connais pas des gamins de moins de 6 ans. Un bébé qui s'appelle Léon. Un truc qui m'énerve qui est revenu à la mode, c'est les Tristan. Ah ouais, ça fait 10 ans que c'est revenu à la mode, voire même maintenant. Le pire, c'est qu'ils sont majeurs maintenant. Et là, ça me gratouille. Mais déjà, quand les gens, il y a 40 ans à peu près, il y avait des Tristan, c'était chiant. C'est vrai que maintenant, quand ça revient, c'est un peu. Mais maintenant, ce qui est dingue, c'est que les prénoms de vieux vont évoluer. Et Nicolas, qui est mon vrai prénom, je le dis aux auditeurs, ça devient un prénom de vieux maintenant. C'est vrai. Tu ne vois plus de Nicolas jeune. Bah non. Nicolas, je crois que j'en ai connu que des vieux. Mais Thierry. Les gens, les gens, Julien, c'est mort. Hein. Non, Julien, c'est les jeunes. C'est un entre-deux, quoi. Ouais. D'accord. Donc, c'est la Saint Léon et la Saint Noé. Ouais, oui, j'en connais. Oui. Noé, oui. C'est jeune. Ah, ouais. Imagine si ça avait été un Léon qui avait fait l'arche de Noé. Bah, du coup, ça serait l'arche de Léon. L'arche de Léon, ça rend moins bien quand même. C'est vrai, ça rend. Ça rend bof. Alors, qui est né un 10 novembre ? Bah, Léon. Et Noé. Oui, mais pas que. On a une célèbre actrice, Hélène Pompeo. Une actrice qui joue Meredith Grey dans la série... 50 nuances de Grey. Ah oui. Dans la série Grey's Anatomy. Ah non, d'accord. Meredith Grey's Anatomy. Ah, perdu, pas mal. Non, la série aux 74 saisons. Meredith Grey a 84 ans à l'heure actuelle dans la série. Ah, Denise Grey. Non. Ah bon, d'accord. Celle-là, je l'avais. Qui d'autre est né un 10 novembre? Je sais pas. Faut que tu donnes des indices. Faut que tu donnes des indices, on est naze. Elle a deux pattes de tigre tatouées sur la poitrine. Oh là, j'en connais beaucoup. Waouh. Ah ouais. C'est une chanteuse américaine. Shakira. Madonna. Yves. Yves. Merci. Je connais très bien. Yves. Yves. Eve. Oui, j'avais compris. C'est son surnom. Ah, mais c'est une vraie réponse, c'est la vraie réponse. Oui, bah oui. Ah, bah oui. Elle est née en 1978. Et c'était une célèbre chanteuse avec son tube des années 2000, Who's That Girl. Voilà. Ah ouais. Et donc en France, qui est né un 10 novembre ? Un politicien. Je vous le donne en mille. Ben l'oncle Soul. Ben l'oncle Soul. Ah, il est français. Il a chanté. C'est un chanteur. Quoi? Ben l'oncle Soul. Je suis pas un sang, mais écoute ça, bube. Je connais pas. Ça date de quand? Non, attends, ça date de quand? C'est la période où t'écoutais pas la musique. C'est 2000. Ah oui, d'accord. C'est genre 2005-2010, t'écoutais pas la musique. C'est quand les Tristan étaient à la mode. Bah, mes enfants étaient en bas âge. Tristan était en prison. Je pouvais plus. Quoi? Pas la radio. Je pouvais plus. Non, en vrai, c'était bien. On devrait le mettre plus tard. Voilà, dans la Ah, si on ben l'a dans la matrice. On sait forcément qu'on comment l'a dans la matrice. Comment il s'appelle? C'est Ben. L'oncle. Soul. Soul. Comme Soul, la Soul. Ah, c'est un jeu de mots en fait, je viens de le mais comprendre. Mais oui, mais moi aussi en écrivant, je me suis dit tiens. Waouh, c'est un rapport. L'oncle Soul quoi. Genre, l'oncle. T'as toujours un tonton. Tu vois, le tonton beau. Ouais, quoi, c'est ça. Hein, d'accord. Alors, c'est laquelle que tu voudras? Bah, il y en a qu'une, non. Il y en a qu'une de connue, je crois. Bah, et là, pour le coup, j'en ai plein. Ah ouais? Pour ça, à coup de rêve. Non, Soulman. Désormais. Soulman, t'as ou pas? Soulman, je l'ai, ouais. On se mettra alors. On va déjà mettre Yves. Mais j'ai pas fini. Non. Ah ouais, tu vas mettre Yves. C'est bien parce que les auditeurs peuvent découvrir comment une émission comme ça se façonne au fur et à mesure, fil de l'eau, c'est magnifique. Si il y a Baladur, je peux avoir un monologue de Baladur. Baladur, oh, c'est intéressant. Non, il n'est pas né un 10 novembre, il est né un 9 novembre. Bon, moi, les monologues de Baladur, cela dit, c'est pas mal. Moi, je les mets quand je fais mon sport sur mon Baladur MP3. Oh. Et je suis pas sûr qu'on les fait beaucoup, celle-là. Et donc, le 10 novembre 1960, il s'est passé un truc. Ah, 1960. Ouais. 10 novembre 1960. C'est l'indépendance d'un pays. L'indépendance des États-Unis non, d'Amérique. Mais par contre, on était en pleine guerre d'Algérie. C'est en Europe. C'est les accords d'Évian. Ouais, c'est en France même. C'est les accords d'Évian. C'est en France. Les accords Vittel. Un attentat? Non. Un deux tentats? Ah, c'est quand De Gaulle il dit je vous ai compris au Québec. Ou je reviendrai. Ça concerne Édith Piaf. Ah, elle est morte? Non. Elle est vivante. Elle était vivante à cette époque. Elle s'est mariée. Non, elle a enregistré la chanson « Non, je ne regrette rien ». D'accord, quel rapport avec la guerre d'Algérie? C'est vrai, ça n'a aucun rapport. C'était en pleine guerre d'Algérie et elle a fait une dédicace, elle a dédicacé cette chanson à la Légion étrangère. À la guerre. Ah bon? Dédicace voilà. À la guerre. Parce que « Non, je regrette rien », c'est par rapport à la vie très tourmentée qu'elle a eue, parce qu'on sait qu'à la fin, elle se droguait énormément, notamment pour combattre ses problèmes de santé, ce qui a généré forcément un gros problème de santé, et je pensais que c'était par rapport à ça qu'elle avait fait cette chanson. D'accord, non, après, c'est pas elle qui l'a écrite, hein. Non, je sais, mais, alors c'est pas elle, je sais, mais elle l'a prise, cette chanson-là, parce que ça lui parlait beaucoup. Oui. Voilà. Ouais, c'était pas anodin qu'il y avait les paroles là. Même si effectivement c'est pas de elle. Je sais plus qui c'est, mais c'est un petit jeune à l'époque. C'est un petit jeune à l'époque. Oui, un de 31 ans. Un mec de 31 ans, je ne sais plus le nom. Ouais. Mais bon. Et donc, la chanson sera l'ouverture de son concert à l'Olympia le 29 décembre 1960. Et on y sera. Et oui, et Fadjet peut vous faire gagner des places pour ce concert. Je ne regrette rien. Et avant de démarrer cette chanson, elle a quand même eu une ovation de 16 minutes de la part du public. T'imagines? Un peu longue, je sais. 16 minutes d'ovation. C'est trop long, 16 minutes. 16 minutes. Et du coup, après, elle est morte. Moi, quand je m'en bah ouais, là-dessus, tu peux mourir tranquille. Hein. Est-ce que vous savez combien de chansons Édith Piaf a enregistrées? 16. Pas beaucoup, je pense. Si? Ou c'est énorme? 3 millions. 400. En fait, 400, ah ouais, c'est quand même. Beaucoup, 400 c'est énorme. Ah ouais, non, c'est 400 chansons entrant. Ah, t'imagines, tu fais un album, t'en as 25 ans de carrière. 15. 40 morceaux. Ça ouais, va, c'est Jules respectable. Mais je pense qu'il y a des gens. Voilà, Jules, il fait ça en 3 ans. Quand Jules, en 2 mois, m'étonne. Oui, c'est. Édith Piaf, c'est la Jules des années 60. Quoi. Exactement. Oui. Voilà. Je dirais, moi, c'est plus la Ayana Nakamura des années 60. Pour être tout à fait honnête. C'est vrai. D'accord, voilà. Avec un peu plus de talent, quand même, même si Aya. Chacun ses goûts. C'est quoi le plus grand succès d'Édith Piaf? Oh, c'est pas l'Eurovision? Non, le plus grand succès. Ça, la chanson qui a eu le plus gros succès. La vie en rose. Ouais. La femme chocolat d'Olivia Ruiz. Est-ce que vous savez combien il existe de versions de La vie en rose? Oh là, 400. Il n'y a pas un parfum qui est sorti en deux exemplaires? 600. C'est plus. 800. C'est plus. Quoi? Mais attends, mais de morceaux? 1500. 1333 versions. 400 morceaux et 1300 versions. Mais attends, versions, ça veut dire. Non, il y a eu versions reprises. Non, mais sur YouTube, il y en a plus. 1333 reprises faites par 452 artistes différents. Ah la vache. Ça veut dire que chaque article, chaque artiste en a fait 3, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Grace Jones, peut-être un jour, ça arrivera. Je suis sûr qu'il y a Jules en plus. Il y a Grace Jones, il y a Louis Armstrong, ou il y a aussi les Kids United. Oh. Et on va l'écouter tout de suite. Et Édith Piaf s'éteindra le 10 octobre 1963 à l'âge de. Mais on est le 10 novembre. 44 ans. 47. Ah, 47. Merci pour le spoiler. Voilà. Et à son enterrement, trois jours plus tard, il y avait 500 000 personnes présentes. Enfin, une standing ovation de 18 minutes. Johnny peut se retourner dans sa tombe. Hein. Deux fois. Mais et oui, donc, du coup, on voulait un petit proverbe, on m'a dit qu'il y avait pour les... Oui, films. Allez, on termine là-dessus. Alors, j'en ai deux. Bah, il en fallait qu'un, dommage. Alors, donc, je choisis celui que je préfère. Voilà. Quand tu as bien sucé la cerise, ne regrette pas le noyau. Eve, who's that girl? Quand tu as bien sucé. It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon, Eve. They wanna know. Who's that girl? Qui est cette fille? La matinale de 18h. L'émission qui vous ment. Bon. L'horoscope. de 18h sur Fadjet. Ce qui est bien avec ce jingle, c'est qu'on a déjà bouffé une minute de l'émission rien qu'avec le jingle. Petit merci à Galon hein, pour les sons qu'il a pu nous faire avec Camille. Alors, on t'a donné une mission, Jeanne, pour l'horoscope. Ça ne va pas être... C'est là où c'est subtil. C'est pas de l'horoscope qu'on va faire, c'est de l'astrologie qu'on va faire. Parce que tu es une férue d'astrologie, il faut le savoir. De l'astroloscope. J'aime bien ça. Ah non, oui, t'aimes bien ça. T'es férue quand même. Je choisis mes mecs en fonction de leur signe. Dis-le que t'es férue. Pour de vrai féru. Non. Ah bon, d'accord. Sauf les Gémeaux. Oh, les Gémeaux. Ah ouais, t'as du mal. Pourquoi c'est dur un Gémeaux ? Non mais tu. Mauvaise question. Qui est Gémeaux ici ? Personne. Aucune idée. Ok, non, d'accord. Il y a des bons signes autour de la table. Bon, bah, voilà. Alors justement, si on passait une semaine en vacances tous les quatre. Ok. Au frais de Fadjet. Donc, bien sûr. Le secret story des signes astro. Ouais. Comment tu verrais nous ? Parce que alors moi, je suis Poisson. Ouais. James, je suis Capricorne. Voilà, et Justin, je suis Cancer. Justin, tu es Cancer. Et on rappelle que Jeanne, tu es Vierge. Vierge, la reine. Alors, autour de la table, nous avons deux signes d'eau et deux signes de terre. Donc, ça fait une belle gadoue si on se mélange. D'accord. C'est comme ça que tu vois les choses. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, James, c'est lui qui va gérer l'argent. Ça, c'est sûr. Ah ouais ? Parce que les Capricornes, c'est l'argent. Ah d'accord, non mais en fait, est-ce que t'es pas en train de te laisser influencer par le fait que tu me connaisses et tu saches que je suis un businessman accompli? Parce qu'il faut en rappeler, James c'est quand même un joueur de poker professionnel. Et au-delà de ça, je suis à la tête d'un empire financier. C'est vrai. Pyramidal. C'est énorme. Pyramidal. J'ai essayé de le l'association équipe Mangeau. Voilà, exactement, je suis président de l'association Mangeau. Donc du coup, voilà, tu sais, donc je voudrais que tu mettes ça de côté quand même quand tu fais cette... D'accord, c'est fort. Ah les Capricornes, déjà, c'est hyper carré. C'est hyper sérieux et c'est l'argent. C'est tout toi, voilà. C'est vrai ça. C'est la carrière, ouais, c'est les Capricornes, c'est la argent. Carrière qui passe en premier. Mm. Après, d'accord. En fonction de ton ascendant hein, et de tes ascendant. Complètement l'opposé de Jocelyn. De Jocelyn. Alors, les cancers, on est sur des paniers percés. Les cancers, des paniers percés, ça c'est pleure, des c'est des gros sensibles, c'est des fragiles. Ah, oh, ça me fait mais plaisir quand tu on balances tout ça. Tous les cancers. Tous les cancers, vous êtes des paniers percés. Non, d'ailleurs, Jocelyn est en train de pleurer actuellement. Mais alors, attends, t'es cancer comme ma fille alors ? Je suis cancer comme ta fille. C'est marrant ça. En plus, moi je suis né le 22 juillet, c'est-à-dire que le 23 sur Lyon. J'aurais été un jour après. Et alors que Cécile, c'est l'inverse. Elle est née le 25 juin. Un jour avant, c'est... Gémeaux, voilà. Oh là là. Elle a échappé au pire. Ah ouais. Voilà. Voilà. Bah, j'ai dit à mon ex-femme, non mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. retiens-toi. Mais du coup, j'ai une question pour notre experte en astrologie. Est-ce que si on est né proche du signe d'après ou du signe d'avant, est-ce que ça veut dire qu'on a un espèce de mélange de traits ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... si c'est à la minute près, bim, allez, c'est terminé, non, tu deviens... Non, normalement, si t'es proche du signe précédent, tu prends un peu du signe précédent. Ah, d'accord. Ouais. Donc, on n'est pas... Faut pas être trop proche de James. Bah, parce qu'en fait, dans les signes astrologiques, t'as trois décans. Les signes sont décomposés en trois décans, premier, deuxième, troisième. Donc généralement, le premier décan est toujours un petit peu avec un reste du signe précédent. D'accord. Et puis le troisième décan chope un peu du signe. Il reste un peu de sédiment, quoi. Voilà. Les seuls purs, c'est ceux qui sont du deuxième décan. Moi, je suis un pur, puisque je suis au milieu quasiment du deuxième décan. La pureté. Et donc, les poissons. Pur poisson. Ah, les poissons, c'est la créativité. Les poissons, c'est la sensibilité. Voilà. Panier percé, créativité. Non, pas du tout. En même temps, les poissons, vous fuyez les conflits. Hein. Vous êtes un petit peu comme une anguille qui se, qui se défile. T'es une petite anguille. Au moindre clash. C'est ma copine, écoute. Ma petite anguille. D'ailleurs, t'as fui le conflit avec ta ceinture. C'est la mise sur le bas-côté. Ma ceinture doit être poisson aussi. Tu lui as demandé pardon à ta ceinture. Ta ceinture, c'est une anguille. Merci beaucoup pour déjà ce thème astral. Je pense que pour les prochaines émissions, en espérant que tu ne retrouves pas du boulot d'ici là, parce que si t'es avec nous, c'est parce que tu n'as plus de travail. Hein, merci et ça nous fait vraiment plaisir. Merci à ton employeur, l'ancien, de ne pas t'avoir renouvelé dans ton CDD. On les salue, on ne dira pas qui, mais on les salue. Mais vraiment, merci de tout cœur, parce qu'on voulait avoir une voix féminine. Et on voulait Priscilla, mais à chaque fois, elle n'était pas disponible. On a eu Jeanne. Donc tu étais le deuxième choix. Tu étais le deuxième choix. T'étais en plan C, parce que blanc. Que des bonnes nouvelles pour toi. Mais des fois, le deuxième choix, c'est souvent le meilleur. Et oui, et voilà. Et du coup, bah, les fois oui, d'après. Et voilà. Non, parce... Tu sais, c'est comme quand tu fais un enfant, on dit toujours le premier, il a un peu raté, voilà. C'est comme les crêpes. Oh toujours là le là brouillon là. Avant le chef-d'œuvre. Voilà, mais là, je peux pas te le dire parce que Cécile est la première. C'est vrai. Mais voilà. Je ne suis pas ta deuxième fille non plus. Non, mais il y a des oreilles qui vont rapporter. Mais moi, je suis deuxième, donc voilà. Ça va, ça va. On est donc, les fois d'après, je pense que tu te colleras à l'horoscope. Ok. Et t'inquiète, on te préviendra un quart d'heure à l'avance. Ouais, c'est pas comme là, 10 minutes, quoi. Ouais, ouais. C'est l'heure du journal, on est très en retard parce qu'il est quelle heure? Il est. Oh là là, il est l'heure là. Et ben, on va s'écouter Zebda, Zebda, tomber la chemise, ça ne nous rajeunit pas. Et tout de suite derrière, le journal qu'a préparé Jocelyn avec tant d'ardeur. Et sûrement James aussi. Oui. Tomber. tomber la chemise. Oh yeah. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est 18h30 passé de plusieurs minutes à vous de calculer par rapport à ce qui est écrit dans votre voiture. C'est le journal, le deuxième flash info de la matinale de 18h présenté. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales avec James. Je baisse un peu le son. Un patient parvient à terminer son cursus de médecine et se soigner lui-même alors qu'il patientait en salle d'attente des urgences d'un hôpital parisien. Le jeune homme âgé de 22 ans, au début des faits, était présent pour des difficultés respiratoires. Il a finalement réussi à s'ausculter lui-même 6 ans plus tard pour déterminer qu'il souffrait d'une malformation pulmonaire. Il a été pris en charge par lui-même, encore une fois, et est désormais hors de danger. Une bien belle affaire. Voilà. L'enseigne Buffalo Grill annonce qu'elle va empêcher l'accès à ses enseignes au rappeur Kanye West. La sanction est très lourde pour le rappeur qui n'aura désormais plus le droit à sa salade d'accueil et à son menu petit indien. Oh. Cela fait suite à ses déclarations antisémites, hein, on s'en rappelle. Le rappeur américain s'est déclaré profondément choqué de cette décision et entend bien rebondir très rapidement puisqu'il annonce avoir pris la carte de fidélité de chez Courte Paille. Allez, c'est envoyé. Après le retour de la Star Academy sur TF1, c'est au tour de France 2 d'annoncer le retour d'un programme culte avec la mise en prime time de Pyramide prochainement. Un buzz gigantesque, c'est ce qui a eu lieu suite à l'annonce par le directeur général de France Télévisions du retour de Pyramide. Une foule s'est même réunie sur les Champs-Élysées pour célébrer ce retour. On pouvait voir des personnes brandir leur boîte de jeux Pyramide, crier et le visage de Patrice Lafont était projeté sur l'Arc de Triomphe. Le retour aura lieu courant 2023. Oh, ça fait plaisir. Et la semaine prochaine, je crois qu'on interviewera Laurent Broumède. Ah oui, excellent, excellent. À ce niveau-là. Merci pour les flashs nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Un Californien gagne le plus gros pactole de l'histoire du loto avec 2 milliards de dollars. Il déclare vouloir vivre une vie paisible à plein fin. C'est ce qu'il a dit à la célèbre radio californienne Calif Radio. Nous écoutons tout de suite son passage. Yeah, I want to live my best life in plein fin. J'aimerais pouvoir travailler à plein fin. The real, real good life in plein fin, yeah, you know. Merci. Un témoignage convaincant. Merci. Une rencontre secrète entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron s'est déroulée dans le salon de coiffure Repère de Le Romanzé. Elle n'a pas pu tenir sa langue. Brigitte, gérante du salon de coiffure Repère, nous a révélé cette entrevue au programme. C'était un brushing et coupe des pointes pour Emmanuel Macron et dégradé à blanc pour Vladimir Poutine. Gros coup de pub pour Brigitte qui dit avoir rempli son agenda pour le mois. On est d'accord que ce n'est pas Brigitte Macron. Ah non. Non, c'est Brigitte de Repère. Brigitte de Repère. Et on est d'accord que c'est Repair. Ah oui, R-E-P, oui. Plus loin, H-A-I-R. Oui, voilà, hein. Le salon de coiffure voilà. Oui, oui. De Et Romanzé. Je pense que ce n'est pas anodin. Repair, repair, c'est un repair pour... Je vois toute l'étendue de ce jeu de mots. Oui, merci. Enfin, quelqu'un qui s'arrête sur tout le travail en amont que j'ai pu effectuer. Premier arrivage de chameaux à Neufchâteau en prévision du changement climatique en 2050. Déchargé au Havre mercredi, acheminé à Neufchâteau aujourd'hui. C'est près de 50 chameaux qui sont arrivés et installés dans le stade de Pazzini qui seront Neufchâteau. Ils seront distribués aux villageois pour remplacer la voiture, indique la mairesse neufchâteloise. Alors moi j'ai juste envie de savoir Pazzini. P-A-C-I-N-I. Ouais, mais t'as vraiment été le chercher sur Neufchâteau, c'est vrai? Mais oui. C'est bon ça. C'est un nom italien, Andreano Pazzini. D'accord. Non parce que comme c'est moi qui prépare les titres et que c'est toi qui les développe, oui. Je voulais savoir si tu l'avais inventé ou si vraiment t'avais cherché. J'ai cherché une étendue d'herbe, il y avait que ça. Donc. Quel travail. Non mais franchement, très fort, Pazzini. On salue les habitants de Neufchâteau qui sont les Neufchâtelois. Les Neufchâtelois, bien sûr. Passe tout de suite à la météo. La météo. Alors pour cette météo, un petit exercice de style auquel je me suis livré, j'ai pris un texte générique de météo pour demain et je l'ai passé à la moulinette de Google Translate. Alors je vais vous donner le texte initial, donc c'est classique, hein, cet après-midi à Nancy, ciel très nuageux et couvert, à couvert, pluie faible, suivi d'averses, vent faible, la fiabilité de la situation est limitée à 85% parce qu'il est difficile dans ce type de situation de définir précisément quand les précipitations s'arrêteront. Ouais. Les températures évolueront entre 9 et 14 degrés. Cette nuit, ciel très nuageux se dégage totalement. Pas de précipitation, vent faible. Voilà, ça c'est le texte de base, c'était pas le moment de G-Radio le plus incroyable de l'histoire. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traduit dans différentes langues. Alors, d'abord, juste une langue peut-être parce qu'on a non, t'inquiète pas. Je l'ai traduit en slovaque, puis du slovaque à l'ouzbek, de l'ouzbek au créole, de créole au polonais, du polonais à l'hébreu, de l'hébreu au zoulou. Ouais. Et du zoulou, je suis revenu en français. James, tu peux comprendre qu'on a une émission quand même à faire. Oui, attends, mais c'est drôle, vous allez voir. Et une fois qu'on est revenu en français, voilà ce que donne le texte. Vous allez voir, c'est très drôle. Alors, très nuageux et couvert. Non, mais attendez, vous allez complètement faire rater mon truc. Très nuageux et couvert à Nancy. Puis dans mon nez, demanda la lumière. Les droits de ces programmes sont de 85%, car Tava Sisoutas est sûr que la pluie s'arrêtera. La température sera comprise entre 9 et 14 degrés Celsius. Une circulation très nuageuse fendra le nuage. Sans, demanda la lumière. C'est fort ça en fait. Ah ouais. Et ouais, voilà, vous raillez au début, mais si vous aviez raillé le truc. Non, mais j'ai voulu jouer ton jeu parce que je me suis dit, bon, il va faire une météo en mode, le mec qui dure longtemps quoi. Ouais. Mais pour de vrai, là, t'as demandé à Google Traduction. La moulinette de Google. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. De le traduire. J'ai fait un cycle, ce qu'on appelle un cycle de traduction. De traduction français, slovaque, ouzbek, créole, polonais, hébreu, zoulou et français à la fin. Voilà. C'était mal expliqué. C'est la moulinette de Google. Mais c'est toi qui a inventé ça ou pas? T'as inventé? De quoi? Ou tu l'as vu ailleurs? La moulinette. En fait, je l'avais inventé à l'époque. J'avais fait dans ma tête, quoi. À l'époque. Mais enfin, je suppose que des gens l'ont fait avant moi. C'est pas non plus sorti de la moulinette de James. Si, c'est toi. C'est une sacrée moulinette. Et ben, moi, je propose qu'on ait une catégorie comme ça. Une chronique là-dessus. Ah oui, ok. Avec une phrase, et puis on la passe sous 10, 15 langues pour voir à la fin ce qu'elle devient. Le truc, c'est que plus tu mets de langues, moins ça va avoir de rapport avec le texte initial. Tu vois, par exemple, là, il y a déjà des mots qui sont restés, qui ne sont pas traduits, parce que Tava Sisoutas, ça doit être dans un langage, et c'est pas retraduit après, donc il le prend comme un mot. D'accord. En fait, plus tu fais de langues, et plus ça fait ce genre de choses. Ok, merci beaucoup. Il faudrait un baiser. Bravo. J'applaudis. J'ai envie de mettre l'applaudissement, déjà. Mets-le. Voilà, j'avais envie de ça. C'est le retour des grosses fesses. Ah oui. L'émission phare de la matinale, les grosses fesses, c'est des questions de l'actualité, non, des informations, de l'actualité, sous forme de questions. Juste après, Ben, l'oncle Soul. Alors, l'oncle Soul, S-O-U-L, mais on peut le comprendre dans le sens pété comme un coin. On est en direct, Voilà, c'est ça qu'on vient de découvrir tout à l'heure en off, que c'est que ça avait un double sens. Soul Man. La bonté de la vie. moi est délire. Mais je sais qu'on reste déjà ça. Ben, l'oncle Soul, Soul Man. Non, c'est pas ça, c'est ça. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Complètement. Là, je suis bon. Ah ouais, t'es bien. Et c'est l'émission Les Grosses Fesses avec autour de cette table, nous le rappelons, James. James, t'as ton transit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de ton transit 5 minutes, s'il te plaît, James? Je voulais parler de ton actualité, c'est transit qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je lance le transit. Alors, dans l'actualité de mon transit aujourd'hui, eh bien, tout se passe bien. Pas de Mexicain à prévoir. Quoi. Franchement, je suis très content. Jeanne? Oui, moi j'ai pris l'Imodium juste avant, Jocelyn qui vient d'apprendre que tu es cancer. Oui, alors je viens d'apprendre que je suis cancer, donc là, petite coulante quoi. La coulante du cancer, qui est bien connue de nos chers auditeurs. Bah, tous les cancers le savent. Ouais, bah oui, c'est les grosses fesses. Et les grosses fesses, c'est des questions sur l'actualité, hein, qui sont passées il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps. Peu importe, l'actualité, hein, pas forcément actuelle. Et on commence avec une première question. Question de madame. Voilà, c'est ça, belle paire de loches. Vous devez. Alors, quelqu'un a dit. Je vais baisser parce que c'est vraiment horrible. Qui a dit. Vous devez accepter nos règles. L'homosexualité, c'est interdit parce que c'est un dommage mental. C'est un mec qui s'occupe de la Coupe du Monde au Qatar ou... Ah ouais, c'est alors, ça. Alors oui, effectivement, mais qui... Mais qui... Trop fort. Je crois que c'est le stadier de la tribune H24. Si seulement. Si seulement. Le fameux stadier. C'est Greg, c'est bébé où tu habites au Qatar. À Dubaï. Okay. C'est quoi? C'est des Marseillais. Non, là, elle fait une référence pour les gens qui regardent la télé-réalité. Voilà, donc c'est une super bonne demi-heure, Jeanne. Et là, tu flingues tout. C'était bien au début, maintenant moins, quoi. L'Imodium. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui vient du Qatar, mais quel poste a-t-il? Avant-gauche. Non. C'est pas le genre le président général de la commission exécutive de la fédération française. Non, c'est la Qatar de Non, alors ça s'est passé en Allemagne, histoire de vous donner un petit peu plus de direction. Le président, la fédération. Non, mais en Allemagne, pourquoi il y aurait un Qatari en Allemagne? Parce qu'il est ambassadeur. Effectivement, c'est un ambassadeur du pays qui répondait à une interview diffusée sur une chaîne allemande mardi 8 novembre. Et il l'a dit, hein, je vous le redis, vous devez accepter nos règles. L'homosexualité, c'est interdit parce que c'est un dommage mental, a affirmé Khalid Salman. Je soupçonne que c'est une mauvaise traduction parce que dommage mental, ça fait pas du tout français. À mon avis, ils ont fait 15 traductions via Google. Si tu traduis sur Google, j'adore l'homosexualité. Vous avez pas ça la phrase. Voilà. Ambassadeur. On passe tout de suite en Grèce. Il y a, au cours des dernières semaines, 200 magasins qui ont fermé. 200 magasins, c'est la même activité. Hein. Je me demande de me dire quelle est l'activité. Quick. Tatsiki. Quick. Il faudrait voir comment. Si vous voyez comment il est installé. Mais en vrai, tu trouves cette position vachement bien. Ouais, mais t'as pris un coup de tanne depuis que tu sais que t'es cancer et que t'es pas percé. Non, mais en fait, tu vois. Je suis contre le mur, le truc est télescopique, je suis aux petits oignons pour les grosses fesses. Ouais, mais quoi. Tu es avachi et ça se sent dans ta voix. Oh là là. Mais quand tu dis que t'es contre le mur, moi je dis que c'est quick. Hein. C'est pas quick. Est-ce que c'est des trucs de CBD? Ah ouais. Non, c'est pas un truc de CBD, mais par contre. Alors c'est pas, pour répondre à ta question, ce n'est pas une marque. Ce n'est pas le 200 magasins qui font partie de la même marque. Ah, c'est un produit. C'est une activité. Mais qu'est-ce que ça peut être? Et alors, je vais vous dire. Les magasins jouent pour un producteur de feta. C'est lié à la facture de gaz et d'électricité qui est exorbitante aussi, bien évidemment, en Grèce. Ah, d'accord. Est-ce que ce sont des salons de tu sais, pour se bronzer là, les salons UV, de bronzage là. C'est non. Pourquoi ils auraient ça en Grèce en fait. Non, c'est du karting indoor. Karting indoor. Les karting indoor qui consomment beaucoup. Ah, des trucs de sauna, des sauna hammam. Trucs de sauvage. Des saunas. Alors ça pourrait être sauna parce que ça consomme pour le coup pas mal d'énergie. Là oui, c'est beaucoup plus intelligent qu'un karting. En vrai, ça consomme énormément d'énergie un karting. Mais c'est de l'essence. C'est de l'essence. Non, mais t'as les cartings électriques. Non, il faut évacuer les carbones et tout, là, les turbines. Bref, ce n'est pas les kartings. Indoor. Ce ne sont pas les kartings. C'est quelque chose. Fabrique de feta. Il fabrique quelque chose qui se mange. De l'huile d'olive. Tzatziki. Non, mais il y en a beaucoup en France. Un wrap. Kebab. Buitoni. Les kebabs. Eh ben non. Non, mais il y a qu'en France où il y a plein de kebabs. Ah, bah je sais pas, je suis pas allé en Grèce. C'est une spécialité grecque ? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, dedans, ils doivent faire des spécialités grecques, mais son activité, tu la retrouves dans n'importe quel pays d'Europe. Ah, est-ce que c'est un truc qui vend de l'huile d'olive ? Non. Des baraques à frites ? Des steaks hachés ? C'est un truc, je suis sûr que vous y allez tous les matins. La boulangerie ! Oui ! S'il fallait pas que je vous la donne, cette réponse-là, ça aurait été malheureux. Oui, il y a 200 boulangeries qui ont dû fermer dans le pays depuis les dernières semaines, parce que le montant de la dernière facture, là, c'est un monsieur qui dit qu'elle a dépassé les 5000 euros, alors que avant ils étaient à peu près à 1000 euros. Donc t'imagines, et du coup, ils n'ont pas travaillé à faire. Après, voilà. 200 boulangeries, je veux dire, par exemple, en France, 200 boulangeries, Paris, c'est quoi. Une goutte d'eau, quoi. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai monté 200 boulangeries dans ma vie. Donc c'est pas vrai. Moi, j'ai monté 200 marches d'escalier. Ah ouais. Eh ben, bon, ben non. C'est tout. Retrouvez-nous pour les anecdotes de Jocelyn. Voilà. Ce que je vous propose, justement, c'est qu'on s'écoute une dernière petite chanson. Ménard Figures Ferguson. Oh, ma préférée. Ah, c'est Gonna Fly Now. Ah, bah oui, bah attends, c'est ça en fait. Parce que du kiff en fait. Ah ouais, c'est les grosses têtes en fait. Mmh. Ah. Vous voulez ça ou vous voulez autre chose? Franchement, je sais pas. Je pense que maintenant que c'est parti, ça serait dommage pour les gens qui adorent cette chanson. On va l'arrêter. Et ils vont croire qu'ils sont trompés de radio. Ouais, mais c'est pas le bon en fait. C'est pas le bon. Non, vous voulez écouter quoi en direct live? Dites-le vite là. Bruxelles, Angèle. Mais en fait, je pensais que c'était. Non, un truc... Bruno Mars, on avait dit. Bruno Mars. Ah, Bruno Mars. Bruno Mars. Of Even. Parce que le week-end, c'est pas vraiment Bruno Mars en mieux, je trouve. C'est moins bien. Hop là, Bruno Mars. Bim, je le mets là et c'est parti. Tu mets laquelle? Oh, yeah, yeah. Allez, à tout de suite. Like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Ah, woo. just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Mars, 20K Magic. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Oui. C'est la suite et fin de l'émission des grosses fesses. Les questions sous forme... Non, de l'actualité sous forme de questions. Des questions sous forme de questions. C'est la femme Tristan. On a parlé, il y a quoi, il y a à peu près 10 jours, de Michel. Michel au féminin. Qui est Michel? Ah, j'ai cru que t'avais dit Michel, parce que non, Michel, c'est un ancien candidat de Sarac. Ouais, non, E2LE. Michel, voilà. Michel Ophem. Et alors, Obama? Je précise que je suis sûr que vous êtes tous au courant de cette histoire. Ah ouais? Est-ce que c'est la mère Michel qui a perdu son chat? Non, effectivement. Ouais, il est temps que ça se termine. Une française ou une. Ouais, Michel E2LE. Alors, c'est. Je peux dire qu'elle est française, Michel. Est-ce que c'est un animal? Voilà. Voilà. Ah, c'est un animal. Ouais. Okay. Voilà. Voilà. Est-ce que ce serait. Je pense qu'elle est française. Est-ce que c'est un animal de la basse-cour? Oh, une noix? Non. De encore voilà. Plus bas que la basse-cour, d'ailleurs. Ah, c'est un insecte? Non, encore Michel. Plus en dessous. Ah, que est-ce basse-cour. Que c'est un animal qui prédit les résultats de la Coupe du Monde? Alors, elle aurait peut-être pu. C'est genre un poulpe. Ah ouais. Ouais, mais on n'est pas loin du poulpe. Justement. La méduse. Non. La méduse Michel. Non, mais. Dommage. Là, d'accord. C'est dans le sens-là que je voulais dire encore plus bas que la basse-cour. Ah, c'est pas les. C'est dans la mer. Les petits trucs qui se promènent sur notre visage, là. Non, mais pourquoi on l'appellerait Michel? Ah, je sais pas. C'est des mains, ça. Les petits trucs sur le visage. Voilà, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est une. Est-ce que c'est un animal qu'on mange également? Oui. D'accord, est-ce que c'est un calamar? Non, mais c'est pas loin. Est-ce que c'est un homard? Une moule? Oh, là, on se rapproche. Est-ce que c'est une crevette? On n'est pas autour de c'est une moule. Un crabe. C'est un crabe. C'est un tourteau, là. Mais oui. Alors... Ah, c'est le tourteau qui a fait Vendeuve Brest. Voilà. Mais oui. Vous connaissez tous cette histoire, James. Je ne dis pas que tu connais ne pas. La connais pas. Je n'étais pas, pas dans la région à cette époque-là. Donc, Qui c'est qui veut raconter cette histoire? Rocambolesque. Je crois que c'est un monsieur qui est défenseur. C'est un monsieur qui s'appelle de... Gilbert Coquelin, ouais. Qui est artiste, qui est de Lorraine. Frère de Gilbert Montagnier. Voilà. Et il a été acheté un tourteau. C'est pas un petit crabe en plus, c'est un gros tourteau. Leclerc Vendeuve, c'est crois. Ça. Voilà. Et après, il a été jusqu'à Brest, donc il a fait 1000 km en stop. En stop, hein, pour qu'il y ait zéro carbone. Voilà, c'est en plus. Ça. Et pour le relâcher dans l'océan. Donc la relâcher, puisque la c'est, relâcher, c'est Michel. C'est, bah, c'est Michel Dezaleu. Okay. Donc, c'est le Brésil, Michel Imbosé. Voilà, c'est là où. Ah, d'accord, c'est pour la libérer, mais elle a survécu ou pas? Bah, c'est ça qui est un peu con. Bah, oui. Bah non, ouais, je pense pas. Non. C'est un tourteau qui était. Aurait... Si, parce que ça aurait été. Ça, moi, je préfère dire oui parce que sinon, ça ferait une mauvaise histoire. Juste, à mon avis, non. J'ai juste une question. Je sais pas si on a un peu le temps, mais en fait, on lui a demandé son avis à Michel. Genre, est-ce qu'elle avait vraiment envie? Est-ce qu'elle avait pas bien. Envie? Elle était peut-être bien en Lorraine. Et puis, elle avait peut-être juste envie d'être dans une fête. Tu vois, enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. On ne saura pas. Mais oui, c'est une bonne réponse et c'est Michel et on lui souhaite bon vent. Ça serait ballot qu'elle se fasse rattraper à nouveau. Est-ce que le féminin tourteau, c'est tourtelle? Oui, bien sûr. Merci. Ah, il nous faudrait 2 heures d'émission. Ah ouais, parce que là, on a l'impression d'avoir commencé. C'est déjà la fin de cette émission de la matinale de 18h. Un coucou à Michel qui doit peut-être nous entendre de là où elle est. Salut Michel. Voilà. C'est comme ça qu'elle nous comprend. Qu'avec ses... dis donc, Michel. On se serre la pince. La semaine prochaine, c'est la voisinade à jeudi 18h. Et nous, on revient dans 15 jours. Donc 10 plus 14, c'est ça? 24? Absolument. 24. On sera là, fidèle aux ondes. On vous fait des coucous à tout le monde. Fidèle aux ondes. Ciao, ciao, ciao. Bisous.